Bien, le catéchisme de l'Église catholique nous dit au numéro 638, « La résurrection de Jésus est la vérité culminante de notre foi dans le Christ, crue et vécue comme vérité centrale par la première communauté chrétienne, transmise comme fondamentale par la tradition, établie par les documents du Nouveau Testament, prêché comme partie essentielle du mystère pascal en même temps que la croix. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort, aux morts il a donné la vie. » Saint Paul dit aussi dans la première lettre aux Corinthiens, « Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi, et vide notre prédication. Mais non, le Christ est ressuscité des morts pour être parmi les morts le premier-né. » Bien, ça secoue. Parce que la résurrection, c'est un séisme pour nous, humains, de penser que quelqu'un est revenu de la mort et on a triomphé définitivement, c'est quelque chose de bouleversant quand on y pense et si on y adhère par notre foi. Mais en même temps, cette réalité de la foi, il faut reconnaître qu'elle est difficile pour nous à assumer parce que personne d'entre nous ici n'a mis comme saint Thomas son doigt dans la main de Jésus ou sa main dans son côté pour dire « Mon Seigneur et mon Dieu. » Comment faire pour avoir cette certitude personnelle que Jésus est vivant et qu'il est ressuscité? Il me semble que l'Évangile de ce soir nous donne une pédagogie remarquable que je pense que plusieurs, dont je pense que plusieurs ici ont bénéficié. C'est un chemin sur lequel deux hommes se trouvent, deux disciples de Jésus. Des disciples, ça veut dire littéralement des élèves, donc qu'il avait écouté prêcher, qu'il avait vu faire des miracles. Et évidemment, ils ont été traumatisés par sa mort sur la croix entre deux malfaiteurs dans des souffrances atroces. Donc, ils retournent chez eux parce que c'est l'échec total, c'est la déception complète. Et quelqu'un les rejoint sur le chemin. Nous savons que c'est le Christ ressuscité, mais eux ne le reconnaissent pas. Et s'établit un dialogue entre les deux hommes et cet homme, ce visiteur. Et puis, on voit les différentes étapes qui se passent. Donc, cette première étape, ce premier échange, eh bien, c'est celui de la compassion. Jésus écoute ces hommes et il vide leur cœur, si je puis dire, et ensuite, il leur dit « cœur sans intelligence ». Si lent à croire ce qu'avaient annoncé les prophètes. Eh bien, je disais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ont bénéficié de cette pédagogie ici parce que la résurrection commence, je dirais, par une rumeur ou par une information. Certains d'entre vous, un jour, ont rencontré, alors qu'ils étaient incroyants, un ami ou une connaissance à l'école qui leur a dit « Ben voilà, moi je vais à la messe et j'ai la foi. » Ah ouais, bon, intéressant. Et puis, l'échange peut être bref, et puis ça peut piquer la curiosité d'une personne qui est en recherche. Et à la suite de ce dialogue, peut-être cette personne va être invitée à venir à une assemblée dominicale comme celle-ci, où la personne va entendre la prédication, va entendre la parole de Dieu prêchée. Et on a des exemples ici même. Il peut y avoir quelque chose qui touche l'intelligence ou le cœur, se dire « ben, je suis pas croyant, je suis pas sûr de tout ça, mais je vois ces gens, ils ont l'air quand même pas trop malheureux, il y a un bon feeling ici, etc. » Et puis on vient, puis après on oublie, puis on revient un mois plus tard, ou etc. Parce que au fond, comme disait l'autre, « reste avec nous, le soir tombe et le jour tire à sa fin. » C'est-à-dire, j'ai ressenti ici quelque chose que, au fond, j'ai jamais ressenti ailleurs. J'ai vu des choses que j'avais jamais vues ailleurs. Alors, il va se produire comme une espèce de familiarisation, apprivoisement. Hein? Parce que c'est sûr que quand on n'est pas croyant, eh bien, la foi, toute cette liturgie, ça paraît quand même un peu ésotérique et on a du mal à entrer dans ce langage qui nous est étranger. Et donc, la prédication, ensuite, Jésus qui, sur le chemin, ne force pas la porte, vous l'avez remarqué, c'est eux-mêmes qui disent « reste avec nous ». Jésus fit semblant d'aller plus loin parce que le Christ ne force jamais la porte d'un cœur, il respecte notre liberté et il ne peut pas franchir cette porte sans notre autorisation. Alors, et Jésus rompt le pain, à ce moment-là, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. C'est le sacrifice de la messe. Et alors, il va y avoir une fréquentation comme ça qui va venir, on va se poser des questions, on va rencontrer un prêtre ou d'autres chrétiens, lui dire « mais est-ce que c'est vraiment ça? Je ressens quelque chose de beau dans mon cœur, ça me paraît juste, mais j'ai encore plein de questions, donc je vais revenir, je vais dire « reste avec nous ». Et puis, tout d'un coup, c'est comme un ensemble de faisceaux ou un ensemble d'indices qui font, les faisceaux, c'est des rayons de lumière qui vont comme toutes dans la même direction. C'est un grand théologien qui s'appelait Cardinal Newman en Angleterre, qui disait « c'est la grammaire de l'assentiment ». C'est un grand concept pour dire que, c'est ça, il y a comme plein de choses à la fois extérieures et intérieures qui convergent et qui me font dire, mais en fait, c'est la vérité. Et là, eh bien, on peut laisser Jésus entrer dans notre cœur et c'est la dernière étape de la grammaire de l'assentiment sur ce chemin d'Emmaüs. C'est les deux disciples qui disent, mais notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous quand il nous expliquait les Écritures? C'est-à-dire qu'il y a des témoignages extérieurs, celui de ton copain qui t'a parlé de la foi, celui de l'assemblée chrétienne, la prédication, les signes sacramentels, mais ce qui va vraiment mettre le sceau et qui va faire basculer la personne dans la vie chrétienne, c'est l'expérience intérieure. Notre cœur n'est-il pas tout brûlant? Il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Chez certaines personnes, ça va être très émotif, avec beaucoup de larmes, etc. D'autres, ça va être comme un léger zéphyr, mais on sent qu'il s'est passé quelque chose de très profond. L'autre jour, j'étais dans une école secondaire avec des jeunes d'ici qui sont allés donner des témoignages à des secondaires 1, 2, 3. Puis une jeune fille qui a posé une question à une qui venait de témoigner. Elle m'a dit « mais comment tu peux croire à quelqu'un que tu ne vois pas ?» Et elle a eu cette réponse très belle, a dit « Je n'ai jamais vu Jésus, mais j'ai vu son action dans ma vie. » Puis après, elle a pris cette très belle métaphore qui est classique en disant « C'est un peu quand tu regardes par la fenêtre, si les arbres bougent en même temps, dans la même direction, tu comprends qu'il y a du vent. » Voilà comment le Christ ressuscité se révèle dans nos vies, par des signes, mais encore une fois, ce n'est pas juste un phénomène extérieur. Ce vent, il souffle dans ma vie. Il y a comme un avant et un après. Encore une fois, chez certaines personnes, ça va être bouleversant. Hier, je parlais avec une jeune fille qui a été baptisée alors qu'elle était adulte et qu'elle avait eu une vie assez difficile avec beaucoup de questionnements. Et quand l'eau du baptême est tombée sur elle, elle a vraiment vécu tout ce que la théologie de l'Église, c'est assez étonnant d'entendre son témoignage, comment ça a été une illumination. Elle s'est sentie complètement libérée de son passé et remplie de l'amour de Dieu. Et elle dit, il s'est passé comme une séparation en moi entre les ténèbres du péché, du mensonge, du mal et la clarté de la vérité, de l'amour et de la grâce. Et tout d'un coup, c'était clair pour moi que si je faisais tel geste ou j'avais telle pensée ou j'allais dans tel lieu, eh bien, je retournais dans mes ténèbres, mais que si je restais sur cette voie, j'allais vivre dans la lumière. Alors, chez elle, ça a été vraiment une nouvelle naissance, une création nouvelle, comme dit Paul. Pour ceux qui sont dans le Christ, c'est une création nouvelle. L'être ancien a disparu. Un être nouveau est là. Pour d'autres, ça va se passer plus en douceur, mais encore une fois, on sent qu'il y a comme, vous savez, un peu comme au Moyen Âge où on pensait que le soleil tournait autour de la Terre parce que toutes les apparences, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce n'est pas vrai. Hein? Okay. Mais ce que c'est, non, la Terre qui tourne autour du soleil. Eh bien, c'est la même chose quand on se convertit. Le centre du monde, ce n'est plus mon petit moi, mais c'est Dieu qui est mort et ressuscité pour moi en Jésus-Christ. Il y a un recentrement et quand on accepte ce décentrement, il se produit une joie, une paix, une croissance dans l'amour. Et c'est cela qui fait que, pas vrai qu'on reste accroché et puis qu'on en veut plus. Hein? Ça s'appelle la sanctification. On goûte à la sainteté de Dieu. Que c'est quelque chose qui nous rend meilleurs, même si on reste pécheur et on reste faible. Mais on sent que Dieu est à l'œuvre en nous et qu'il veut nous conduire jusque dans le royaume des cieux, dans la vie éternelle, que c'est pas un mythe, que c'est pas une histoire édifiante que l'on colporte depuis 2000 ans, mais que Jésus est vivant. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu son œuvre dans ma vie et dans l'œuvre et dans la vie de toute l'Église. Amen.